Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie américaine. Si vous voulez que votre petit ami vous revienne, demandez donc un coup de main à Tank. Beaucoup de ses potes qui se sont fait larguer l'ont fait. Ils l'ont engagé pour faire vivre la pire soirée de leur vie à leur ex qui, du coup, ont eu aussitôt envie de retourner à leur ancien amour. Mais cette fois-ci, les choses semblent plus compliquées. Sérieusement, j'adore, je te jure, j'adore trop te regarder faire des choses. J'adore te... En fait, je t'aime, Alexis. Oui, je t'aime. Ça ne fait que 5 semaines. Alors, installons-nous ensemble. Dustin s'y prend mal avec les femmes. La nuit a pas été facile. Je suis l'homme qu'il lui faut, mais pas tout de suite. Ouf, qu'est-ce que je fais ? Tank est payé pour s'y prendre mal. Je deviens complètement fou sans elle. C'est quoi la solution ? Disons juste qu'il faut que tu sois un vrai connard pour que je passe pour un héros. Ça, c'est ma fonction. S'il te plaît, arrête ! Il peut vous proposer nos fabuleuses frites, famine et fiesta. Il lui faudrait plus de famine et moins de frites. La dernière chance de Dustin... Et si je t'engageais tout de suite ? ...est de pactiser avec le diable. Elle va pleurer des larmes qui diront appel, Dusty. Ok, là tu vas fort. Je m'appelle Alexis. T'as couché avec combien de mecs ? 2 ? Je suis monogame en série. Bon, allez. J'ai failli perdre ma virginité sans cette chanson. Où est-ce qu'elles apprennent à faire ça ? La copine de mon meilleur ami. Une comédie d'Howard Dutch, un DVD métropolitain.